Líbil se mu nepotizaci, jo, možnou. Pak je to reformy, jako mazí je pas divizí, se ti kobě dení, se dízim se asi. Olala, oui. Ça fait 68 ans. Le 4 juillet, dimanche prochain. Je suis resté jusqu'à la fin de la guerre ici, puis je suis parti assez loin chez mon oncle à Paris.